Article 6. On ne doit pas se permettre, dans une guerre, des hostilités qui seraient de nature à rendre impossible la confiance réciproque quand il sera question de la paix. Tel serait l'usage que l'on ferait d'assassins ou d'empoisonneurs, la violation d'une capitulation, l'encouragement secret à la rébellion, etc., etc. Ce sont là des stratagèmes déshonorants. Il faut qu'il reste, même pendant la guerre, une sorte de confiance dans les principes de l'ennemi. Autrement, on ne pourrait jamais conclure de paix, et les hostilités dégénéreraient en une sorte de guerre à outrance, tandis que la guerre n'est, au fond, que la triste ressource qu'il faut employer dans l'état de nature pour défendre ses droits, la force y tenant lieu de tribunaux juridiques. Dans un tel état, aucun des deux partis ne peut être accusé d'injustice, puisqu'il faudrait pour cela une sentence juridique, et que seule l'issue du combat décide, comme autrefois dans les jugements de Dieu, de quel côté est le bon droit. Une guerre de punition ne saurait se concevoir entre des États, puisque, entre eux, il n'existe ni supérieur, ni inférieur. Une guerre à outrance, pouvant entraîner la destruction des deux parties à la fois, avec l'anéantissement de tout droit, ne permettrait la conclusion de la paix perpétuelle que dans le vaste cimetière de l'espèce humaine. Il faut donc absolument interdire une pareille guerre aussi bien que les moyens qui y conduisent. Or, de ce genre sont certainement les pratiques infernales dont il est fait mention dans cet article. Infâmes en elles-mêmes, si l'on y avait recours une fois, elles se perpétueraient même après la guerre, ainsi qu'on le voit par l'espionnage où l'on exploite l'avilissement d'autrui et dont nous ne pouvons plus nous délivrer. Et elles rendraient ainsi impossible tout vrai retour à la paix.